إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va comme prévu commencer l'étude d'un sujet qui est d'une immense importance, un sujet qui est pour le musulman un sujet capital, un sujet à comprendre. Ce sujet-là, c'est l'importance de l'invocation, ses conditions, le comportement adopté lors de l'invocation et les bienfaits de l'invocation. Et ce sujet est d'une importance capitale pour le croyant, car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et chaque musulman sait qu'Allah Jalla wa Ala, notre Créateur, nous a créés pour un objectif bien connu et clair, c'est la réalisation de son adoration. Donc le croyant doit, dans cette vie d'ici-bas, réaliser le but et l'objectif pour lequel Allah Jalla wa Ala lui a donné existence et pour laquelle il l'a créé, c'est-à-dire son adoration. Et l'invocation, c'est l'adoration, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que dans notre religion, l'invocation est considérée parmi les grandes et les plus importantes adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiférées. Et le musulman, qu'il sache qu'il détient entre ses mains un bienfait qui est inestimable, un bienfait immense. Allah Jalla wa Ala nous a légiféré cette invocation comme adoration et c'est un bienfait inestimable, immense, et on détient entre nos mains quelque chose que si réellement et véritablement on reconnaissait véritablement le bienfait de cette invocation, alors on s'efforcerait constamment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, walillah ilhamd, la louange appartient à Allah, la majorité des musulmans connaissent le bienfait et la grandeur de cette adoration qui est l'invocation. Mais souvent ce qui nous manque, c'est de connaître les conditions de l'invocation pour l'exaucement de cette invocation, le comportement adopté lors de l'invocation, les bienfaits de l'invocation, ça parfois c'est ignoré de beaucoup. Et c'est pour cela qu'on trouve que de nombreux savants ont écrit dans le domaine, ont dispensé des cours et des conférences dans le domaine pour que les musulmans sachent comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sache comment réaliser cette adoration, sache comment tirer profit véritablement de cette adoration, reconnaisse les bienfaits immenses de l'invocation et justement adopter justement le comportement adéquat lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il nous fallait étudier ce sujet, à savoir que, comme nous disent les ulama, du'a Allah ibada wa qurba wa li'idami makanati du'a inda Allah azza wa jal amara Allah ibadahu bi du'a'i wa wa'adahum bil ijaba. Donc l'invocation, comme on l'a dit précédemment, c'est une adoration. Et al-qurba, ça fait partie des actes qui, par elle, ou par ces actes-là, on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous rapproche d'Allah jalla wa ala. Et donc, l'invocation fait partie de ces adorations qui nous rapprochent de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa li'idhami makanati ad-du'a. Et par rapport à la grandeur de cette invocation et l'importance de cette invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a ordonné ses serviteurs de l'invoquer. Et ça prouve la grandeur et l'importance de l'invocation. Qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de l'invoquer, comme on va voir dans certains passages du Coran et certains versets où on a l'ordre d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Jalla wa Ala nous ordonne et nous commande de l'invoquer, de lui demander, de l'implorer, cela indique que l'invocation est d'une immense importance. Et cela indique donc que ça fait partie des grandes adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré. Et du fait qu'Allah Jalla wa Ala, dans un premier temps, nous a ordonné de l'invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a promis l'exaucement de ses invocations et de répondre à ses invocations. Ainsi, Allah, dans le Coran, nous dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum »« Ud'uni astajib lakum » Regardez, dans ce verset, c'est une traduction approchée du sens. Allah, Jalla wa Ala, nous dit « Wa qala Rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur, waqala Rabbukum, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, astajib lakum, et je répondrai à votre appel, à votre invocation. Et donc Allah Jalla wa Ala nous ordonne dans un premier temps de l'invoquer, et il nous promet de répondre à cette invocation. Donc ça, le musulman doit toujours garder cela à l'esprit, que lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il lui demande, Allah jalla wa ala a promis de répondre. Allah nous dit, Estajib lakum, et je répondrai à votre appel, une traduction relative du sens du verset. Et c'est pour cela, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i. Et ça, c'est le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, de la sourate La Vache. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala s'adresse au prophète en disant Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, Allah dit, je suis certes proche. Et j'exauce, je réponds à l'appel de celui qui invoque lorsqu'il invoque. Alors qu'il Allah Jalla wa Ala nous dit ensuite dans le verset, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut, une traduction rapprochée du sens de ce verset. Donc regardez Allah, Jalla wa Ala, dans ce verset, il nous informe qu'il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Idha sa'alaka ibadi anni, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, que je suis proche. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala dit qu'il est proche. Et Allah nous dit donc qu'il exauce les demandes de ses serviteurs lorsqu'ils invoquent, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, al-imanu bi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Et donc dans ce verset, on a cette annonce qu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne qu'il répond et nous promet de répondre à nos demandes et à nos invocations. Donc le croyant, lui, doit savoir et toujours garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et quelle que soit la situation, et quel que soit l'endroit, le lieu où se trouve le serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes les demandes. Et Allah subhanahu wa ta'ala entend tous ses serviteurs. Même si tous les êtres sur terre, tous en même temps, dans des lieux différents, invoquaient tous Allah subhanahu wa ta'ala au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et Allah entend les demandes subhanahu wa ta'ala. Et Allah répond aux invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs. C'est pour cela qu'il incombe, et comme on va voir parmi les conditions des invocations, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la certitude. Il faut être certain de cela. Il ne faut jamais douter de cela. Qu'Allah Jalla wa Ala entend nos demandes et exauce et répond à nos demandes. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Et ce verset nous rappelle, nous remémore aussi une histoire à l'époque de l'un des grands imams de notre communauté, un homme qui était connu en son temps, dans les premières générations, pour sa piété, pour sa science, pour sa dévotion. C'était un homme qui s'appelait Ibrahim ibn Adham. Et Ibrahim ibn Adham était une référence à l'époque, en son temps. Et c'était un modèle de piété. Et c'était une personne qui avait un ilm, une grande connaissance de la religion. Un jour, alors qu'il était fil aswaq, et cela était en Irak, alors qu'il passait au marché, fajtama'a an-nas ilayh. Les gens se sont réunis autour de lui. Et ils lui ont posé une question. Faqalu lahu, ya Aba Ishaq, inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabi, ud'uni astajib lakum. Allah, ô Abu Ishaq, c'était son surnom, Allah nous dit dans le Coran, Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi, je répondrai à votre invocation. Wa nahnu nad'uhu mundu dhahr, fala yastajib lana. Et nous l'invoquons depuis un certain temps, depuis longtemps, mais il ne nous a pas répondu. Faqala Ibrahim. Alors, l'imam leur a répondu. Ya Ahl al-Basra, ô vous les gens de Basra, donc vous connaissez cette région de Basra, cette région d'Irak. Il dit, ô vous les gens de Basra, matat qulubukum fi asharati ashiya. Vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Matat qulubukum, il leur dit, vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Donc il va leur énumérer 10 choses en leur disant qu'à cause de ces 10 choses, vous invoquez Allah, vous convoitez, vous voulez, vous désirez la réponse alors que vos cœurs sont morts. Vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Et donc là, il les appelle à être attentifs. Il leur dit, Awwaluha, premièrement, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Premièrement, vous avez connu Allah et vous n'avez pas accompli le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني قرأتم كتاب الله ولم تعلموا ولم تعملوا به. Deuxièmement, vous lisez le livre d'Allah, mais vous n'œuvrez pas en conséquence. Vous n'œuvrez pas, vous n'accomplissez pas ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. والثالث, troisièmement, il leur dit, ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. Troisièmement, vous prétendez aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunna, vous avez délaissé sa tradition. Rabia, quatrièmement, il leur dit, ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. Vous avez prétendu, quatrièmement, l'animosité et l'adversité d'être adversaire de shaitan, du diable, mais vous avez Mais vous avez été d'accord avec lui en quelque sorte. Vous l'avez suivi. والخامس, cinquièmement, قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. Cinquièmement, il leur dit, vous dites, vous prétendez vouloir le paradis, mais vous n'œuvrez pas en conséquence. Vos actions ne sont pas en conformité avec cette prétention. Vous dites vouloir le paradis, mais vous n'œuvrez pas en conséquence. Sadisan, sixièmement, il leur dit, Kultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Vous dites, vous prétendez avoir peur de l'enfer, sixièmement, il leur dit, vous prétendez avoir peur de l'enfer, mais vous y précipitez vos personnes. Une traduction rapprochée. Wa sabi'an, Kultum innal mauta haqq wa lam tasta'iddu lah. Septièmement, vous dites que la mort est vérité, mais pourtant vous ne vous préparez pas pour cela. Mais pourtant vous ne vous préparez pas pour celle-ci. Thaminan, huitièmement, il leur dit, Ishtaraltum bi'uyubi ikhwanikum, manabathtum uyubakum. Huitièmement, il leur dit, vous, vous êtes préoccupés des défauts des autres, des défauts de vos frères, et vous avez délaissé vos propres défauts, oublié vos propres défauts, omis vos propres défauts. Neuvièmement, il leur dit, Akaltum ni'amata rabbikum, wa lam tashkuruha. Regardez, neuvièmement, il leur dit, vous mangez les bienfaits de votre Seigneur, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous ne le remerciez pas. Alors que vous mangez, vous avez mangé de ses bienfaits, de ce qu'Allah Jalla wa'ala vous octroie comme subsistance, mais vous ne le remerciez pas. Wal-ashir, vous n'avez pas remercié, si vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Wal-ashir, dixièmement, il leur dit, Dafantum mawtakum, walam ta'tabiru bihim. Vous enterrez vos morts. Et c'est dixièmement, et c'est le dernier point qu'il leur dit, vous enterrez vos morts et pourtant vous ne tirez pas de leçon de cela. Donc ces 10 points qu'il a mentionnés, il dit à cause de ces 10 choses-là, il leur a dit, vos cœurs sont morts. Et ça, c'est rapporté par Abu Nu'aym fi Haliyat al-Awliya, dans ce célèbre livre, Haliyat al-Awliya. Donc regardez ce rappel. Alors que ces gens invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et espérer la réponse et l'exaucement venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'imam leur enseigne que si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a des conditions pour qu'Allah jalla wa ala réponde à nos demandes. Et c'est pour cela qu'il est important d'étudier et de comprendre cela. Et c'est pour cela, parmi les conditions que nous donnent les savants, que nous enseignent les savants pour que nos demandes soient exaucées, parce que ad-du'a al-mustajab shurut muhimma yajib tahqiquha. Wa lid-du'a al-mustajab shurutun muhimma yajib tahqiquha. Parce que pour l'invocation, pour qu'elle soit exaucée, donc il y a des conditions importantes et il faut impérativement les réaliser. Awalan, premièrement, أن يتوجه الداعي بدعائه إلى الله عز وجل مباشرة بدون واسطة ولا يجعل في دعاء الله في دعائه لله واسطة ولو كان ذلك الواسطة نبيا معظما أو ملكا مقربا أو وليا صالحا. Donc première condition ici, que nous enseignent les savants, premièrement, lorsqu'on invoque, on doit s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que nos invocations sont orientées et vers Allah, c'est-à-dire que nos invocations sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'on invoque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, directement, sans chercher d'intermédiaire et sans prendre d'intermédiaire. فَلَا يَجْعَلْ فِي دُعَائِهِ لِلَّهِ وَاسِطًا. Et ne pas prendre d'intermédiaire et mettre un intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on invoque. Wala kana dhalika al-wasita, même si cet intermédiaire, c'est un prophète qui a un haut rang, ou même si cet intermédiaire, c'est un ange rapproché, ou même si cet intermédiaire, c'est un saint vertueux. On ne doit pas de mettre d'intermédiaire entre nous, de wasita, entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quel que soit le rang d'un être, quel que soit son degré, qu'il soit un prophète au haut rang, qu'il soit un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il soit un serviteur saint, vertueux, on ne doit pas prendre d'intermédiaire. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans chercher des intermédiaires. Et à l'époque, dans les temps ancestraux, et à l'époque aussi des polythéistes, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant eux aussi, et même après eux, et cela jusqu'à aujourd'hui, les gens pensaient qu'il fallait, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, chercher des intermédiaires. Et ils pensaient que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben il fallait justement chercher des intermédiaires nous rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils considéraient à l'époque, les polythéistes, dans les siècles anciens, ils pensaient, et cette croyance perdure jusqu'à aujourd'hui, et cela est présent dans notre communauté, et certains même prêchent à cela, pensaient que pour qu'Allah Jalla wa Ala exauce nos demandes et nous réponde qu'il faille prendre un intermédiaire. Une personne qui est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il considérait que pour qu'Allah Jalla wa Ala réponde à nos demandes, pour qu'Allah accepte de nous, pour qu'Allah accepte nos adorations, qu'il fallait prendre un intermédiaire comme un prophète du fait de son haut rang, du fait de son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela était plus à même pour que Allah Jalla wa Ala accepte nos œuvres et réponde à nos demandes. Ou bien de prendre un ange, de prendre comme intermédiaire un ange rapproché ou autre, ou bien des saints. Et cette manière de faire, cette conviction-là, perdure jusqu'à aujourd'hui chez beaucoup de musulmans dans notre communauté. Regardez par exemple ces tombes pour qui ces morts pour qui il a été édifié, au-dessus de leur tombe, des mausolées, des édifices, et où les gens se rendent en masse. Vous savez, il y a des tombes qui sont visitées chaque année. Il y a même des tombes dans certains pays musulmans où les gens pratiquent un pèlerinage. Et les gens se rendent par milliers pour invoquer l'occupant de cette tombe en prétendant que c'est un saint et qui va intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des pratiques qui sont courantes dans nos pays, dans les pays musulmans. Donc les gens, lorsqu'ils se rendent dans les cimetières, ce n'est pas seulement pour invoquer en faveur du mort, pour visiter le mort, mais beaucoup d'entre eux se rendent dans les cimetières, vont visiter les morts pour les invoquer directement, pour les implorer, en pensant que ces morts peuvent intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des légendes. Tout ça, c'est des choses qui sont fausses et des choses qui nous sont interdites. Et tout ça font partie des formes de polythéisme, des formes de shirk qui nous sont strictement interdites dans notre religion. Allah ne veut pas de nous qu'on prenne des intermédiaires entre nous et lui. Allah nous a ordonné de l'invoquer directement. Et ça, c'est très important. Donc c'est pour ça, celui qui veut dans un premier temps, que son invocation soit exaucée, il doit impérativement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sans chercher d'intermédiaire. Allah Jalla wa Ala a dit au messager d'Allah, « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, « فَإِنِّي قَرِيبٌ » Je suis proche. Allah Jalla wa Ala est proche. Allah, on n'a pas besoin de chercher un intermédiaire entre nous et lui. Allah nous ordonne de l'invoquer directement, sans intermédiaire. Donc ces pratiques qu'on trouve dans nos pays, même si c'est fait par des masses, par un grand nombre de gens, la masse et le grand nombre n'indiquent pas que forcément ceci est la vérité. Il ne faut pas suivre le nombre, il ne faut pas suivre les masses, il ne faut pas suivre la majorité. Même si une personne est seule sur la vérité, il doit s'attacher à cette vérité. Donc cette pratique qu'on retrouve souvent dans nos pays, dans les pays musulmans, où les gens se rendent auprès de tombes, visitent les cimetières et invoquent les occupants de ces tombes, en ayant pour beaucoup édifié des mausolées, des édifices, des coupoles, et ensuite ça devient des lieux d'adoration. Puisque lorsqu'on invoque un mort, malgré qu'il soit un saint, même si on considère que c'était un homme vertueux, le fait de l'invoquer, c'est qu'en réalité, on est en train de l'adorer, même si on prétend juste que c'est un intermédiaire. Et ça, c'était exactement la pratique des polythéistes du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça nous est mentionné dans le Coran, c'était exactement leur prétention, le fait de dire on ne les adore pas, mais on les prend juste comme intermédiaires et intercesseurs auprès d'Allah. Et auprès d'Allah. لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Il disait, comme c'est mentionné dans le verset du Coran, où Allah Jalla Wala nous dit qu'il prétendait, il disait, nous les adorons point, si ce n'est pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah, qu'ils nous rapprochent auprès d'Allah. Donc regardez, ça c'était la prétention des polythéistes à l'époque. Que les divinités, les fausses divinités qu'ils adoraient, il disait, on ne les adore pas en réalité, on veut juste qu'ils intercèdent auprès d'Allah en notre faveur, qu'ils soient en quelque sorte des intermédiaires. Et Allah, Jalla wa Ala, a interdit cela, strictement interdit cela. On ne doit pas prendre d'intermédiaire entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que ces croyances-là perdurent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que même dans notre communauté, dans nos pays comme on l'a cité précédemment, on voit que le culte des morts s'est propagé. C'est propagé incroyablement. Et cela est propagé, comme on l'a dit précédemment, le culte des morts, le fait de vouer des adorations. Vous savez, lorsqu'on dit le culte des morts, il ne voue pas juste l'invocation à ces morts, mais toute forme d'adoration. Et d'autres formes d'adoration sont vouées. C'est pour ça qu'on voit même qu'il y a des endroits où il y a des mausolées et des édifices où les gens s'adonnent, par exemple, au tawaf, de tourner autour. Vous allez voir dans certains lieux où les gens font tawaf autour de la tombe. Certains prient devant ces tombes. Certains font des offrandes devant ces tombes, font des vœux devant ces tombes. Et vouent toutes sortes d'adorations. Toutes sortes d'adorations aux occupants de ces tombes. C'est ce qu'on appelle le culte des saints. Et ça, c'est le polythéisme, c'est le shirk. C'est l'associationnisme. C'est ce polythéisme qui est dit dans le Coran, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Cet Allah n'accepte pas, ne pardonne pas plutôt qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et c'est ce shirk qui est mentionné dans le Coran qu'Allah Jalla wa Ala a interdit. Le culte de autre que lui. Adorer des divinités. Pourquoi? Parce que ces tombes, lorsqu'on leur voue des actes d'adoration, c'est les prendre comme divinités. C'est les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en faire des divinités. Et Allah Jalla wa Ala, dans des versets, dans beaucoup de versets dans le Coran, nous met en garde contre ce polythéisme. Et s'ils avaient donné des associés à Allah, Allah aurait annulé toutes leurs œuvres. Donc le polythéisme annule les œuvres de la personne. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi que certes si tu me donnes un associé, tous tes actes seront annulés et tu compteras parmi les perdants. Traduction approchée du sens du verset. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète, au messager d'Allah, en lui disant, il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi que si tu me donnes un associé, toutes tes œuvres seront annulées et tu compteras parmi les perdants. Donc ça, c'est la plus grande injustice. Comme disait Luqman à son fils, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'associationnisme, c'est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. C'est pour cela que le croyant doit être conscient de cela et il n'a pas besoin, dans son adoration qu'il voit Allah, il n'a pas besoin de prendre d'intermédiaires. La religion est aisée, est simple et facile pour chacun. Et Allah nous demande juste de l'adorer directement. Et ne pas sombrer dans le culte des morts, dans le culte des saints, dans le culte des tombes ou autres, de ne pas sombrer dans l'adoration de fausses divinités. Et les prophètes et les messagers, justement, ont été envoyés vers les peuples pour nous mettre en garde contre cela et pour nous appeler à adorer notre Créateur unique directement, Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'est la première condition. Donc comment une personne veut se voir exaucer ses invocations s'il s'oriente vers autre qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala? Et quelle que soit la prétention ensuite, ils les adorent en les invoquant, mais ils prétendent que ce sont juste des intermédiaires. Et qu'en réalité, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et que leur intention et leur but est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est interdit. Malgré la prétention, on n'a pas d'intermédiaire à prendre. Allah jalla wa ala n'accepte pas cela. Ça, c'est en ce qui concerne l'invocation. Sans compter ensuite la croyance et les convictions qu'ils ont par rapport à ces saints, par rapport à leur adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, par exemple, de notre communauté considèrent que ces saints, que ces morts, par exemple, ont une part d'administration de cet univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les associent à Allah dans sa seigneurie. Car le seul qui administre cet univers, qui gère cet univers, le seul qui accorde le secours à ses serviteurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que beaucoup qui sont dans le culte des morts et des saints ont des convictions aussi. Aussi bien ils les invoquent, pourquoi? Parce qu'ils ont des convictions et ils pensent, on leur a inculqué le fait que ces morts ont une part de gérance. Ils gèrent cet univers avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils accordent le secours, qui sont les intermédiaires pour certains, pour accorder le secours aux serviteurs. Et tout ça, c'est des formes de polythéisme. Donc le polythéisme peut se faire à travers des convictions, à travers des actions, à travers des propos. Et le musulman doit être prudent. Donc toutes nos invocations, elles sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans un hadith qui est immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a invoqué Allah. Il a demandé une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète fut exaucé. Allah a exaucé sa demande. Qu'est-ce qu'a donc demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah en lui disant « Allahumma, la taj'al qabri wathanan yu'bad. La'an Allahu qawman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. » Regardez cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. » Regardez cette invocation. Ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Que soient maudits ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Regardez ce récit, comment il est immense et comment l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. Et c'est pour ça que le grand érudit savant Ibn Qayyim dit que, et en effet, Allah Jalla wa Ala a exaucé la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, personne ne pourrait, même s'il le voulait, se vautrer sous la poussière de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'invoquer. Personne ne peut se rapprocher proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire une prière ou l'invoquer directement ou le prendre comme intermédiaire ou se jeter sur la poussière, se vautrer sur la tombe ici pour lui vouer une quelconque adoration. Pourquoi? Parce que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégée par des murs. Par différents murs. C'est-à-dire que même lorsque les personnes viennent et rendent visite au prophète, c'est-à-dire pour saluer le prophète à Médine, dans la ville du prophète. Donc vous savez que lorsque vous venez dans la mosquée du prophète, ensuite vous pouvez aller saluer le messager d'Allah. Et bien même les gens, lorsqu'ils se mettent devant, pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite son compagnon Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée tous deux, et ben même à ce niveau-là, on n'est pas devant la tombe. La tombe est protégée. Et donc ce lieu où il y a la tombe, on ne peut pas y pénétrer. Et donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée. Et c'est pour ça que même les gens malveillants qui voudraient invoquer très proche de la tombe du prophète et prendre la tombe du prophète comme un lieu d'adoration, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas cela. Et ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a exaucé la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la tombe du prophète n'est pas un temple adoré et ce n'est pas un lieu de prière. Et la tombe du prophète n'a pas été prise, donc comme on l'a dit précédemment, comme lieu d'adoration. Walillahil hamd, et cela par la grâce d'Allah. Donc pour revenir à notre sujet, premièrement, donc si on veut que nos invocations soient exaucées, il faut impérativement s'orienter, orienter nos invocations, les demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans chercher d'intermédiaire. فَلَا يَجُزْ كَذَلِكَ لِأَيِّ دَاعٍ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ الْوَلِيِّ الْفُلَانِي بِجَاهِ فُلَانٍ أن تغفر لي وذلك لأن الله أعلى وأجل من أن يجعل العبد في سؤاله واسطة يتوسط بها إلي وإذا أراد العبد أن يدعو الله عز وجل فليقول اللهم إني أسألك أن تغفر لي وأسألك أن ترزقني وأسألك أن تهب لي من لدنك رحمة وبهذا يكون دعاءه مقبولا وعند الله مسموعا. Et c'est pour cela qu'aussi, il ne fait pas partie du bon comportement lorsqu'on invoque, il est interdit, par exemple, de chercher le rang d'un tel ou le degré d'un tel et de prendre ce rang et son degré comme intermédiaire. Par exemple, d'invoquer Allah en disant, Ô oh Allah, je t'implore, je t'invoque par le rang de tel prophète ou par le rang, le degré de tel ange ou par le rang, le degré de tel saint, de tel homme vertueux, de tel défunt. Cela est interdit. On n'invoque pas en prenant l'intermédiaire, par exemple, le rang ou le degré ou le droit de qui que ce soit, que ce soit un prophète, comme on l'a dit précédemment, ou un ange rapproché, ou autre parmi les saints. Pourquoi? Parce qu'Allah est au-dessus de cela. Et c'est pour cela que le croyant ne doit pas mettre d'intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de cela, le fait qu'on prenne des intermédiaires entre eux. Nous et lui, Jalla wa Ala. Donc celui qui veut invoquer Allah, qui veut demander par exemple le pardon d'Allah, il demande directement, Ô Seigneur, pardonne-moi. Ô Seigneur, octroie-moi la subsistance. Ô Seigneur, donne-moi. Accorde-moi ta miséricorde. Et de ce fait, son invocation sera acceptée. Et de ce fait, son invocation sera entendue. Allah entend toutes les implorations et toutes les demandes. Deuxième condition, on va se quitter sur cela. Très importante, c'est que celui qui invoque, il doit faire attention que sa subsistance est halal, qu'il vit avec des biens et de l'argent halal. An yakuna masdar rizq da'i halalan wal hirs ala iktisab rizq al halal min sifati ibadillah as-salihin. Et le fait d'être soucieux que notre acquisition et notre obtention de nos biens et de notre argent soit halal et pure et bonne, ça fait partie des qualités des serviteurs pieux, des serviteurs d'Allah pieux et vertueux. Comme cela sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va se quitter sur cela. Et inshallah, on continuera sur l'explication de ce sujet. Demain, si Allah nous le permet, avec la permission d'Allah, wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.